Radio Plus Productions présente. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine. Mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive encore, Suzy? Oh, c'est pas il fait la pêche. Voilà. Alors à ma droite, le Jurassic Park des ondes. Ah, c'est, Philippe, c'est pas parce que t'es arrivé en retard que t'es obligé d'aller plus vite. Oui. Le Triceratops de la FM. Ah, Bob du club. Bonsoir les filles. Il sort un best-of de ses blagues. C'est un CD de titres. Ah. Maurice. Bonsoir à tous. Tu sais qu'on a eu des réclamations, Maurice. Par la semaine dernière, les auditeurs ont remarqué que tu étais bourré pendant l'émission. C'est pas vrai, je bois pas, moi. On va réécouter, on oui, vérifiera. Face à Bob et Maurice, lui aussi, ça reprend ou pas bientôt les... Comment ? Non, ça reprend ou les pas ? Les examens ? J'y retourne. Ah, Frédéric Coster. Ah oui, très malade. Émission réalisée par Davy. Ah, ah. Oh. Et animé par Philippe Bello. Ça va donc être bien. Oui. Non, on s'excuse à l'avance. Oui. Cher Frédéric. Cher Philippe. Donc, comme chaque semaine, oui, tu nous amènes un invité. Mais c'est un habitué qui est avec nous cette semaine, c'est Tom Trondel. Ah, ouais, ah, bah, qu'est-ce que je suis content de le revoir. Alors, cher Tom, c'est pas réciproque, je crois. Cher Tom, ça fait plaisir de te réavoir dans l'émission. Hein, écoute, plaisir partagé. Tu es venu comment, au fait? À cheval. Ah, je crois que t'étais venu en voiture, moi. Non, non, à cheval sur Maurice. Ah, ça faisait longtemps. Il semblait bien que c'est Maurice. T'es arrivé en même temps que Maurice. C'est ça. Il m'a gentiment proposé de passer chez moi me prendre. Ah. En voiture. Il m'a déjà proposé de boire des verres et de me ramener chez moi tout à l'heure. Ah. Mais tu sais, Maurice, c'est un vieux cheval de labour. Mais t'as une bonne assurance, au fait. Ben écoute, je crois que je vais en souscrire une là dans les prochaines minutes. Ah oui, c'est trop tard. Moi je te conseille. Oui. C'est pas rétroactif. Oui. Non, d'habitude Frédéric rattrape l'affaire en disant tu ne risques rien. Il y en a un que ça intéresse pas et l'autre qui peut. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un que ça intéresse pas et l'autre qui peut plus. Mais là c'est dans l'autre sens. Pauvre garçon. Bon alors Tom, tu viens nous voir parce que tu es de retour sur Paris. Attends, on t'avait perdu, t'étais dans toute la France, on n'arrêtait pas de mais te voir. Mais je suis toujours dans toute la France. Alors, je rejoue à Paris au Café Théâtre Populaire dans le 20e arrondissement. Et je profite des fins de semaine pour tourner. Donc, je fais plein de villes. Toulouse, Gap, Grenoble, Nice, Montpellier, Savigny-sur-Orge, Strasbourg, Dorlisheim, Saint-Agrève en Ardèche, Brive-Charensac à côté du Puy-en-Velay, Chambéry, et Nantes, et ainsi de suite. Passe pas en Bourgogne, hein, Maurice, t'as si, vu si, l'année l'été dernière. L'été dernier, nous sommes croisés à Semur en Auxois. Oui, tu voulais... où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces dates? Eh bien, sur le site internet, bien sûr, www.trondel.fr, T-R-O-N-D-E-L. Et j'ai également écrit une nouvelle comédie qui s'appelle « On va vous mettre en pièce ». Ah. Et de quoi parle cette nouvelle pièce? Eh bien, il faut venir la voir, justement. Et c'est deux comédiens qui décident d'écrire une pièce avec l'aide du public, aidés également par deux personnages qu'on ne voit pas, mais dont on entend beaucoup parler. Un plombier homosexuel refoulé, qui va beaucoup... Oui, voilà, Maurice attend la visite du tuyau, maintenant. Et un chirurgien complètement déjanté, qui va d'ailleurs les pousser à écrire une pièce délirante sur le bloc opératoire. Bon, bah ça promet. Hein. Ça promet. Et le One Man, il y a eu des évolutions depuis que tu étais passé nous voir Alors, le One Man a beaucoup évolué. Et en ce moment, le One Man que je joue là sur les dernières de Trondel sans flamme, on est à 110 représentations, plus de 15 000 spectateurs déjà. Tout un programme. Oui. Tout un programme. Bah, nous, avec Maurice, on est allé le voir, Tom. On s'était bien marré. Hein. Très, très bien. Enfin, la salle s'était marrée aussi pour Maurice. Parce que. Ah, oui, ça. En plus, Tom avait pris Maurice un peu à partie. Je te dis pas. À partie, oui. Oui, le spectacle a duré 3 heures. Parce que Maurice a voulu raconter des blagues. Oh là là. Bah, disons que Maurice a fait la première partie, donc j'ai commencé mon spectacle avec 2 heures de retard. Et voilà. Puisqu'il a fait un sketch de 5 minutes. Bon, alors tu connais l'émission, hein. Dans l'émission, ça n'a pas changé. Il y a toujours des tournées de blagues, il y a toujours des jeux, des blagues de Maurice, des épreuves. Ouais, c'est toujours une épreuve. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse, car vous allez jouer comme chaque semaine pour des points. Pierre Belmar est de retour. J'ai envie de dire copain d'avant. Ah, ah. Copain d'avant. Parce qu'on sent que c'était sympa. Il y a longtemps. Oui, c'est pas tout faux. De suite. On va les appeler les frisés. Parce qu'il y en a qui est vraiment frisé et puis l'autre qui a plus rien. Donc, Bah, t'exagères. Enfin, c'est vrai, j'exagère un peu. Oui. Donc, voici la première question pour les frisés et les copains d'avant. Alors, vous savez, par exemple, quand on parle d'arachnophobie, c'est la peur des araignées. Hein, oui, ça, oui. Je vais pas vous demander ça, mais je peux t'en parler si tu veux. Ah, tu as peur des araignées? J'ai une peur panique des araignées. Costophobie. Donc, là, je vais vous demander ce que c'est que l'acrophobie. L'acrophobie? Oui. L'acrophobie. C'est quand on a peur de la bière? Quand on a peur d'être accroché. Non. Non, quand on. On a peur de la nuit. Des arbres. Ah, Maurice. De la nuit? Non. Quand on a peur de l'engagement? On a peur d'être accro? Non. Quand on a peur de faire des voltiges dans les arbres? Non. La peur de l'acrosport. Non, non. De la Alors, pour vous aider quand même, là où nos studios sont donc au 7e étage, il faudrait dire à nos auditeurs. C'est la peur du vide? Non. Des escaliers? Non. De l'ascenseur? De l'altitude? Des montagnes? Non, parce que là, excuse-moi, Bob, Bref. Parce que là, je viens de me rappeler, la peur du vide, ça s'appelle la blague de Morisophobie. La peur des escaliers? Non. Des ascenseurs? Non. Mais t'es pas loin dans tout ce que tu mets. Des marches? Non. Des charges? Non. De la hauteur, quand on prend de la hauteur? La peur de la hauteur. Une bonne réponse de Bob du club quand même, qui mérite les applaudissements parce que... C'est la peur de prendre de la hauteur, ça doit pas t'arriver souvent quand tu racontes des blagues. Ça m'arrive jamais. Alors, avant d'entamer la première tournée de blagues, j'aimerais qu'on sollicite Maurice. Ah. Est-ce que tu as reçu du courrier de téléspectateurs? C'est une blonde qui consulte son médecin. Docteur, j'ai une diarrhée mentale. Et ça se traduit comment? À chaque fois que j'ai une idée, c'est la merde. Non, c'est de la merde. Non. C'est de la merde. C'est pas ce que t'as dit. Refais-la correctement pour Tom. On la coupera au montage. Oui, c'est pas grave, Maurice. Ça commence déjà. Non. Pas rien bu encore. Cher Tom, j'ai pas rien bu. Mon cher Tom, une blonde qui consulte son médecin. Docteur, j'ai une diarrhée mentale. Excuse-moi, Maurice. Quand même, une dame qui vient chez le médecin, elle est toujours un petit peu affolée. Non, pas du tout. Il faudrait qu'elle fasse docteur. Mais non, elle attend dans la salle d'attente, elle est plus affolée maintenant. L'acteur studio radio par Philippe Bello. Alors vas-y Maurice, mais joue là un peu quand même. Une blonde consulte son médecin. Docteur. Voilà, ah, tu vois, talent. J'ai une diarrhée mentale. On la sent paniquer. Du tout. Ouais. Et ça se traduit comment, madame? À chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde. Je vais faire de la concurrence. C'est sûr, après. Je la prends dans mon spectacle. Voilà. C'est certain, c'est plus que certain. Eh bien, bon. On te la laisse. Eh bien, on va vérifier si on est capable de faire mieux que Maurice. Ah bon, ça va pas être difficile. Parce que juste après la pause, Tom, il faut faire chauffer les blagues. Ça sera la première tournée de blagues. Allez, c'est parti. Restez avec nous, on revient avec Maurice et ses blagues et surtout avec Tom Trondel. À tout de suite. Retour dans Basse-Marée avec Tom Trondel. Pimpon. Tom, il est venu nous voir il y a maintenant, je sais pas, un an et demi, deux ans, je me souviens plus. Oui, un an et demi. Un an et demi. Ah, ouais. Alors, on te rassure, depuis un an et demi, J'ai pas changé. Maurice n'a pas changé. Ça, on l'avait vu. Voilà. Les blagues sont toujours foirées. Ah, oui. La preuve avec cette première tournée de blagues. Il y a un changement quand même. Ah. C'est-à-dire qu'à l'époque, elles étaient seulement foirées. Mm. Maintenant, elles sont aussi foireuses. On va voir ça. Voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, première blague avec Maurice. Un gendarme. Attends, Maurice. Aide de Maurice vous est présentée par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. Merci. Un gendarme fait stopper une automobiliste. Vous n'avez pas vu le feu rouge? Si. C'est vous que je n'ai pas vu. N'applaudissez pas. N'applaudissez pas de Maurice, hein. C'est mon coéquipier. C'est un type qui rentre dans un bar, il quitte son tabouret pour aller aux toilettes. Ah bah attendez, pas fini. Donc il revient 10 minutes plus tard, maugréant et pestant à voix basse. Oh là là. Attends, mais Philippe, t'as pris des cours de vocabulaire? Non, m'a écrit la blague. Alors le barman qui s'approche, et puis mais qu'est-ce qui se passe? Un problème? Mais oui, attendez, il y a un problème, attendez. Figurez-vous, pendant que j'étais à l'urinoir, oui, bah il y a un mec, oui, il est venu derrière moi, ah oui, et il m'a mis un pistolet sur la tempe. Ah bon? Ah oui. Et il m'a dit, tu me fais une pipe tout de suite ou je te brûle la cervelle. Oh là là, dis donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu les coups de feu, vous? C'est un avocat qui va voir son client qui est condamné pour un crime et qu'il affirme ne pas en être l'auteur. Il dit, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah. Bon, on va commencer par la mauvaise. Bah écoutez, sur la scène de crime, il y avait du sang partout, dans la voiture, dans le couloir, sur les vêtements de ta femme, sur les gants, sur les chaussettes, il y avait du sang partout. Et c'est le tien. Ah merde. Et la bonne nouvelle, t'as pas de cholestérol. Elle est bonne. Elle est pas mal. Oui. Alors, la blague de Tom Trondel. Attention, elle est horrible. Comme Maurice. Comme Maurice. Oh non, non. Les blagues de Maurice ne sont pas horribles. Non, non, on parlait pas des blagues. Arrêtez d'attaquer mon ami Maurice. Merci. Tu diras moins ça. Excuse-moi, Tom. Hein. Ouais, tu diras plus. Moi, ça quand ce sera le jeu de la photo mystère. Voilà, il n'y en a pas ce soir. Si, si, bien sûr que si. Sais-tu comment faire pleurer une petite fille deux fois? Non, pas du tout. Un, tu la violes et deux, tu essuies le sang sur son doudou. Oh, oh. J'avais prévenu. C'est horrible. Non, non, faut pas raconter ça. Alors, c'est pas beau. Voici l'épreuve. J'ai pas dit que c'était moi qui étais concerné. Ah bon. L'épreuve du trivial. Ah. Je rappelle le principe, je tire au hasard. Oui, ça fait des années que tu tires au hasard. Dans le boîtier du trivial de 1985, deux cartes. Une carte pour chaque équipe. L'année est importante. Oui, c'est... oui l'année est importante, j'étais pas né. Tu sais. Parce que si on te demande... quelle est la capitale, enfin de quel pays Moscou est la capitale, faut répondre l'URSS. Voilà. C'est plus. Tu me le dis à chaque fois, ça. Oui, mais c'est important. C'est important. Non, non, mais c'est parce que tu t'en souviens pas, Maurice. Alors maintenant, tu sais. Dans quelle ville est le mur de Berlin? Tu vois, maintenant, on saurait plus trop répondre. Et il voilà. A été un peu éparpillé. Oui. Donc. Parce que c'est toujours le même jeu que d'habitude. Oui. D'accord. Oui, c'est le même jeu. Voici deux cartes. Il fait des photocopies des cartes pour six questions. Parce que t'as pas changé les règles. Non. Non, les règles sont toujours les mêmes. Alors, six questions. Donc, il y a combien de questions, Philippe? 6. Une question. J'attends le moment où il s'énerve. Mais on doit choisir une carte. Voilà. Ah, deux secondes, j'explique la règle. Une carte du trivial poursuite de 85. On voilà. D'accord. On est bien d'accord. Hein. Une carte par équipe. Ah. 6 questions sur chaque carte. Parce que tu en as choisi combien? J'ai choisi 5 cartes. Ah, mais tu vois? Il donc, avoue, en tout, ça il fait avoue 12 questions. Les... Non, mais il avoue qu'il les a choisis, il les a pas tirées au hasard. Mais non. Dans le trivial poursuite de 85. Dont 2 que j'ai tirées aux ors. Aux ors. Aux ors. Oh là là. Alors, donc. En 85. Non, parce que, excuse-moi, oui, j'en étais à donc. Oui. Je sais plus. Mais 26 ans qu'il est là. Bob, généralement. Oui. Non, c'est pas moi. Ah oui, c'est Bob. Bob, c'est généralement, dit c'est truqué, c'est triché. Oui, voilà. Mais c'est truqué. Donc, je lui fais choisir une carte. Oui. La une ou la deux? Parmi les deux que tu as tiré au sort. Oui. La une ou la 85. Deux? Moi, je dirais la deux. Bon, on va prendre la une alors. Et voilà. Donc celle-là, hein. Oui, on va prendre celle-là, oui. Ah, c'est bien. Ah, alors, et honnêtement, oui. Bob... J'aurais dû prendre l'autre. Non, c'est la plus facile. Ah. Mais c'est truqué. Si tu ne me fais pas confiance, tu peux switcher et prendre la deuxième. Non, non, non, non, non, non. On prend celle-là. D'accord. Eh ben tiens, puisque vous avez la main, on va les faire commencer. Donc le principe, c'est qu'ils doivent répondre aux questions. C'est l'équipe qui répondra au plus grand nombre de questions qui marquera le point final. Et bien entendu, si une équipe ne sait pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à sa place et marquer le point. Et puis, si vous ne vous consultez pas, c'est-à-dire que si la réponse intervient sans aucune consultation... On a deux points. C'est une réponse cash avec deux points. Oui. Bob et Maurice, est-ce que vous êtes prêts? Non. Oui. Ah bah c'est bien, il y en a un qui est prêt, donc ça doit aller. Top. Il est prêt depuis 85. Hein. Quel pays est le plus au nord du continent sud-américain? Le Mexique. On se consulte pas. Vous consultez pas, hein? Maurice est d'accord pour pas pour pas. À sud. Ah, non pas. Ah, non. Alors on se consulte. Oui, j'ai compris, Amérique centrale. Et après tu vas me dire que c'est pas truqué. Ouais. Alors vas-y. Sud-américain. La Colombie. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. C'est correct. Dans quel film un souffle d'air fait-il s'envoler la robe de Marilyn Monroe? Je sais pas. Je vois les hommes Les hommes préfèrent les blondes ? Non, certains je connais les hommes, certains n'aiment chaud, non ? Certains aiment chaud. Alors, attends. Il y a maintenant chez moi du 13e. Alors, certains aiment chaud, certains aiment froid. Oui. Alors, les hommes, certains aiment chaud, c'est ça le titre du film ? Non. Oui. Tu as, c'est les hommes préfèrent les blondes ou certains aiment chaud ? De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. Si, les hommes préfèrent les blondes. Non, c'est. Oui. Non. Mais c'est quoi ta réponse ? Il est schizophrène, en fait. Oui. Moi, je vois très bien le truc parce qu'on l'a vu 50 000 fois, mais je connais pas le titre. Il va me faire perdre. De toute façon, tu n'as pas la bonne réponse. Mais attends, Maurice, Bob, ne décourage pas Maurice pour une non, fois. Non, je le décourage pas. Pour une... Vas-y, Maurice. Maurice, je vais te donner un indice, c'est aucun des deux que tu as cité. Oh, je connais le titre. Hein. Oui, par contre, on va peut-être pas passer Rocher Chana non pas. Plus. Non, je m'en rappelle plus. Ni Rocher Beaubois. Non, pas d'idée, pas de réponse. Alors, au hasard, quand même, Maurice donne une réponse. Les hommes préfèrent. Non, c'est pas vrai, les hommes préfèrent les blondes. Les hommes préfèrent les chaudes. Mais non, t'as comment arsenic et vieille dentelle, je sais pas si elle joue là-dedans. Mais non, c'est pas ça. Elle joue pas là-dedans. Bon, alors, par contre, là, il faut donner une réponse. Non, je me rappelle pas. 7 ans de réflexion. Correct. Cash. Ah oui, cash, ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Qui était Ah, c'est nouveau ça, parce qu'avant, on pouvait marquer qu'un point. Quand on répondait à la place de l'autre. Qui était le chef spirituel des Rastafari ? Maurice. Je connais pas. Une question d'histoire. Rastafari ? Oui. Le chef spirituel des Rastafari s'appelait... Bob Marley. Non, c'est les Rasta tout court. On va dire ça, Bob Marley, mais je sais pas. Non. Je vais dire ça. Cash ou avec une consultation ? Oui, cash. On peut dire cash si tu veux, oui. Non. Ah bon, non, je sais pas, de toute façon. Non. Ah oui, alors, carré. Ah non, je me croyais chez Nagui, pardon. Je me croyais chez Nagui. Je sais pas. Mais... Non, vous ne savez pas. Ailé Selassie. Ailé Selassie. Ailé Selassie, le Négus. Merci, Bob, d'avoir choisi la carte. Le roi d'Éthiopie. Qu'est-ce Ça, c'est Ailé Gebrselassie. Ailé Selassie. Donc c'est pas le même que l'Éthiopie. Hein. Non, bah si. Non. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'un modus vivendi ? Ah, c'est avec Messier, ça, non ? En 85. Hein, en 85. Question d'art et littérature. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'un modus vivendi ? Ah, alors, moi, je connais la première partie, c'est une émission de télé. Oui. Modus. Je m'en rendis après. Est-ce que vous avez pris de latin, toi ? Oui. Non, non. Le grec éventuellement. Ah oui. Que c'est drôle. Mais... Oh. Modus vivendi. Modus. Modus. Et après t'as Laguna vivendi, c'est le modèle au-dessus. Je sais pas. Mais... Non, vous savez pas. Je sais pas, c'est une locution. C'est une locution latine. Comme comment. Mais si vous ne savez pas, vous pouvez pas trouver. Non, moi je sais pas. Non. Comme Cassius Belli par exemple. Voilà. Non, je sais pas non plus. Vous savez pas, c'est un accommodement. Ah oui. Que signifie littéralement le mot myriade ? J'ai bien dit littéralement. Littéralement. Oui. Myriade. Une myriade, c'est quand il y en a beaucoup. C'est une confiture. Donc, c'est une marque de pont. Littéralement. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Myriam, ça n'a rien à voir. Non. Et littéralement, comment ? Elle est pas mal. Ah ouais, bon, elle est maman. Oh, ça l'empêche pas de faire un petit frère. Ribambelle. Énorme, non. Non, pas énorme, c'est toi qui es énorme. Chérie, si tu m'écoutes. Non, c'est quantitatif. Alors vas-y. C'est ribambelle. Donne-moi un synonyme de ribambelle. Babybelle. On vient à la confiture, Mirabelle. Mirabelle. Bon, alors Bob, là il faut donner parce que là. Elle est ribambelle, on va dire. Non. Oui, on peut dire ça, c'est un synonyme. Non. Non, moi je dirais multitude. Non plus, c'était des dizaines de mille. Ah oui. Et enfin, quel est le nombre maximum de 7 dans un match de tennis ? Où ? Quel est le nombre maximum de 7 dans un match de tennis ? Masculin ou féminin ? Ah bah non, il y a comment ? À Wimbledon, il peut y en avoir 25, 30, 45. Ça, il faut qu'ils finissent avec deux sets de comment de, ben d'écart. Il y a le tie-break. Si c'est à Paris, là c'est 5. Ben, je pense que de toute façon c'est un trivial français, donc on parle de Roland Garros. Alors 5. Maximum, je consulte pas. Tu consultes pas Maurice ? Non, non. Sûr ? C'est certain. Et deux points de marqué, c'est la bonne réponse. Ouille. Alors je vais. Je vais même te dire que c'est toujours en 5-7 maximum. Ce qui peut monter, c'est les jeux. Oui. C'est toujours en 5-7. Tom et Frédéric vont donc avoir leurs cartes à jouer. Et donc l'angoisse monte. Vont-ils battre? On revient juste après la pause avec Tom Trombel. Ouais. On va se marrer avec Tom Trombel. Ouais. Oh. Et la deuxième tournée, la deuxième épreuve de Trivial, votre carte, Tom et Frédéric. Oui, mon sachant cher que Trombel, pour le l'instant, retour. Ouais. Les copains d'avant, pour l'instant, ont 3 points. Hein. Donc vous en avez 2. Tout n'est pas gagné, mais tout n'est pas perdu. Alors on prend la 4. Alors la 4. Bob, est-ce que tu es prêt à... Je suis prêt, moi. Enfin, c'est surtout à eux, il faut demander qui... S'ils sont prêts. Eh bien, c'est parti. Surtout on va prendre le jeu de 2004. Voilà. Je n'ai pas. Dans quelle ville sainte pour les Sikhs se trouve le temple d'or? Je te la laisse. Question de géographie. Dans quelle ville sainte pour les Sikhs se trouve le temple d'or? Alors, donc, a priori, ça doit être en Inde. Oui, c'est en Inde. Et je. Alors, ce n'est pas Bombay, ce n'est pas Singapour. Je cherche le nom de la non, ville. Non, Singapour. C'est un truc avec un K. C'est un truc avec un K. Cappuccino. Capitaine Flamme. Non, Cartoon. Carglass répare. Non. Allez, on va. Au hasard. Je t'en prie. Je vais tenter Kandahar, mais je suis vraiment pas sûr de ça. Non. Bob, toi qui as beaucoup voyagé en Asie. Oui. Surtout dans les années 40. Je crois que c'est le Taj Mahal et le nom de la ville d'où est le Taj Mahal, je sais pas. Ce serait pas Amritsar. C'est Agra, c'est un nom comme ça. Non, c'était Amritsar. Ah, comme bah quoi, il y avait un cas, tu vois. Ça. Ouais. Qui chante ça? Ah oui. Alors. Qui chante Soul? Mais Soul. Oui. Le balcon de Marie-Christine. Nougaro. Ah, oui. Je suis sous ton balcon. Ouais. Quelle est l'occupation? C'est cache. Ah, oui. Quelle est l'occupation principale? Les nazis. De monsieur Lee Kuan Yew. Je ne sais pas. J'ai envie de dire faire des nems, mais. Alors, je précise que la question date de 1985. Je ne sais pas s'il est toujours en activité. C'est l'histoire. Est-il toujours en vie déjà? Voilà. Donc, en 1985. C'était pas le cannibale, là. Quelle était l'occupation principale de monsieur Lee Kuan Yew? Ah, déjà la prononciation a changé. C'est le même. Moi, je peux vous le faire. C'est quoi comme thème? C'est une question d'histoire. Ah, moi je dirais que c'était le cannibale. Lequel cannibale? Le japonais cannibale. Non. Il était président. Président de quoi? Ah, je sais, c'est pas demandé dans la question. Si. Quelle est l'occupation principale de... Voilà, occupation principale, président. Non, eh bien, il était premier ministre de la République de Singapour. Ah, tu vois? En plus, toi, que t'allais sans arrêt à Singapour. Ouais, t'avais Singapour dans le tas. Ouais, mais j'ai pas été présenté. C'est sa femme maintenant qui allait Singapour. Qui est l'auteur de cette maxime? Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. Ça, c'est un copain à vous, c'est un comique qui a fait ça. Ça ressemblerait bien à du Desproges. Ça ressemblerait. On dit ça? Allez. Desproges? Non. Non. Coluche? Ah non, c'est trop intelligent. Ah. Coluche, non, c'était Pierre pas, Dac. Pas Pierre Dac ou Desproges, c'était l'un des deux. Oui. Qui fut le premier homme de l'espace? Gagarine. Yuri Gagarine. Bon. C'était du cash, on s'est pas concerté, on l'avait tous les deux. Et c'est Coluche qui disait le pauvre, il a pas de bol. Il a fait 17 fois le tour de la Terre, il est retombé en URSS. Parce que le jeu de 4 dates de 85. Et enfin, question de sport et loisirs. Oui, alors ça c'est pour toi, tu te démerdes. Qui a inventé le blue jean? Elle est pour toi. C'est monsieur Lévy. Monsieur Lévy Strauss. Et c'est correct. Très bonne réponse. Cher Lévy. T'as dit Lévi? Alors, donc, tout à l'heure, dans la première mi-temps, les copains d'avant avaient répondu, enfin, avaient marqué 3 points. Et là, on est obligé de constater que l'équipe des Frisés a marqué 8 points. Ah oui, c'est bien. Ce qui signifie que le point final va à l'équipe des Frisés. Bravo! faut que j'explique que j'ai eu un petit problème technique. Il y a mon gobelet qui a volé, je n'ai plus rien à boire. Alors, dans l'émission, Tom, on a le jeu de la roulette. La roulette russe. Ça, bon, c'est nouveau, nouveau, ça. Mais non. Dans ton micro, Maurice. La roulette russe. C'est quoi ça encore? Je te donne des mots. Oui. Et tu en choisis un. Et automatiquement, Maurice. Dans le quart de seconde qui suit. Maurice enchaîne avec une de ses blagues fétiches. Oui, oui. Sur le mot. Exactement. Oui. Il a des blagues référentes par rapport aux mots. Donc tu choisis. Alors, je te donne les mots. Au choix, clocher, Maya, ostréiculteur, zébu, zèbre, Iti, perchiste, souris, merlin et dentiste. Je vais prendre au choix. C'est le premier que tu as dit. Ah oui, mais celui-là, il l'a pas. Ostréiculteur. Je vais pas entendre la prononciation. C'était... Quel est le numéro... Ah, mon cher Tom, quel est le numéro d'urgence des ostréiculteurs? Du bassin d'Arcachon. Du bassin d'Arcachon, oui, on s'en fout. Ah non, c'est important. Quand même. Non, non, non. Ils sont tous en train de crever. Oui, c'est 118. Elle y était presque. Ah oui. Non, elle était à moitié. Là, il n'y a pas. Non, Frédéric, il n'y a pas de quoi s'énerver. Elle était... Comment ça, il n'y a pas de quoi s'énerver? Tu te fous de ma gueule ou quoi, Frédéric? Non, pas du tout. Elle était bonne à moitié. Ah oui. Alors, fais-la bien, Maurice. Non, mais non. Mais il y avait une moitié qui était bonne. On fait pas des blagues bonnes à moitié. Non, si. Vis-à-vis, non, mais Maurice, tu me déçois. Non, non. Vis-à-vis de Tom, quand même. Ouais. Mon cher Tom. Oui. Connais-tu le numéro d'urgence des ostréiculteurs? Non. De du bassin d'Arcachon? Non plus. Bon. Alors. C'est 118. 118. Mais c'est non! Deux fois de même! 218. Ah, 218. Oh là. Mon cher Tom, quel est le numéro d'urgence des ostréiculteurs? Je sais pas. Du bassin d'Arcachon? Non plus. C'est 118. Non. 210. Oh, et merde! Et merde! Et merde! Comment tu veux que je m'énerve pas? Cool! Oh! Au bassin d'Arcachon, oui, c'est... Oui, bah oui! Ah oui, alors! Qu'elle a dire dans le désordre aussi! C'est tu mélanges l'un avec une autre! J'ai bien fait de mourir. T'as qu'à en dire deux en même temps, toi. Fais-les toutes d'un coup. Fais-les toutes d'un coup, crache-les sur la table, on triera. Non mais je te jure. C'est pas vrai, c'est ça. C'est 118. Non, te laisse pas abattre. Moi j'avais des trucs à faire. Hein, du linge à des trucs plus importants. J'avais une vidange à faire. Dans la voiture, je précise. Ah bon, heureusement. Il y a les pompiers dans le coin. Oh, là. Alors. Bon, mon cher Tom, quel est... Ah ben, il persiste alors, en plus. Allez, dernière version. Allez, dernière version et on y va, hein, après. D'accord. Oui. Quel est le, mon cher Tom, quel est le numéro d'urgence des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Ah, aucune idée. Jusque-là, 118, parfait. 218. Et tu sais, ah, bah, énorme. Bravo, Maurice. Elle est excellente. En plus, je m'attendais pas du tout à la chute. Comme quoi, avec un bon coup de pied au cul, ça marche. Eh, tu vois, regardez, il faut le motiver, Maurice. Il faut le motiver. Alors justement, après la pause, c'est pas Maurice qu'on va motiver, c'est Tom. Ah oui. Car Tom, qui est donc bien sûr sur scène à Paris et un peu partout en province, va nous proposer un petit extrait de son spectacle. Ça serait une bonne idée, Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, surtout que Tom, on peut aller le voir au Café Théâtre Populaire. Je suis tellement ému. Non mais t'as carotté dans le micro, c'est du plus bel effet. Non mais je te jure. Il en a envoyé un gros. Oh putain. Les ostréiculteurs du bassin. Non mais attends. C'est les huîtres qui passent mal, ça. C'est du bassin. Non mais t'as 4 km devant le derrière, puis tu pètes aussi, quoi. Ah bah il fait ça aussi. Hein. Si vous avez du carbonate, merci d'envoyer. Avant, une adresse. Oui. Tant qu'on est à faire chic et bon goût, vas-y, je sais pas. Moi qui suis assis à côté, je peux te dire qu'il fait aussi ça. T'as qu'à nous réciter l'alphabet en rotant aussi. Attends, je te jure. J'en peux plus. Ah ouais. Bah oui. Alors, vas-y. Non plus. Promo, Maurice. Alors, Tom Trondel, vous pourrez aller l'applaudir au Café Théâtre Populaire, 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement. Oui. Et il faut y aller par les transports en commun. Vous avez Couronne, Pyrénées Bridge. Et Ménilmontant. Couronne, Bridge. Ça, c'est de la promo. Voilà. Et son site internet. Oui. Et son site internet, je le connais pas. Non. C'est www. Alors, c'est très compliqué. En plus, tu l'as au dos du papier qui est devant. Voilà, je l'ai là. C'est www.trondel.fr. Ah, bah voilà. Et vous pouvez réserver par billet réduit. C'est bien. Ah, là, là, là la promo était bien faite. C'est hein. bien, oui. C'est pas moi qui peux dire ça. C'est vrai. Bah alors, juste après la pause, Tom va donc monter sur la scène dont on va se marrer. Oui, devant Maurice, qui va applaudir, j'espère. Bien sûr. Donc, extrait du spectacle de Tom Trondel, juste après la pause. À tout de suite. Retour, on va se marrer avec Tom Trondel. Ouais, ouais. Avant de dire ouais, on va le regarder sur scène. Ben, oui. Je pense que ça serait une bonne idée, hein, parce qu'il nous a bien mis l'eau à la bouche pour ce nouveau spectacle. Oui. Et Maurice, calme-toi. Et je pense que ça serait une bonne idée de solliciter Tom pour un petit extrait du spectacle. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? T'es prêt? T'es chaud? Eh ben, écoute, devant cet avis démocratique... pourquoi pas? Eh bien, voici, sur la scène dont on va se marrer, Tom Trondel. Ouais. Non, mais en plus, ce soir, j'arrive avec une très très bonne nouvelle, parce que ça y est, ma copine s'est enfin fait larguer. Ouais, c'est moi le salaud dans l'histoire. Mais en même temps, bon, elle était devenue assez comme Frédéric, tu vois. Je pensais pas qu'elle était grosse, mais vous voyez Chabal. Oui. Eh ben, un chabal au pluriel, ça donne des chabots. La femme fait 3 chabots et demi, tu vois. C'est... Non, il y a quelques temps, elle s'est fait renverser par un camion. Le camion est fichu. Même chez Carglass, ils ont rien pu faire. Hein. Bon, elle a eu 3 jours d'arrêt maladie. Un rhume. Bah, c'était un camion frigorifique. Alors, ça l'a emmerdé pour son boulot parce qu'elle bosse à la NASA. C'est elle qui lance les fusées, à main nue, comme ça. En même temps, elle mangeait que des macarons, elle est devenue énorme. Alors, pensez pas qu'on s'est quitté à cause des macarons, non. Je pense plutôt qu'un couple, ça a une durée, et que le macaron symbolise la durée. Oh, Maurice, je te la mets dans un doggy bag à emporter, celle-là. Tu pourrais essayer de la refaire, tu vas voir, elle est dure. Hein. Alors, quand je suis parti, elle m'a dit, ben, pour un humoriste, tu m'auras pas fait beaucoup rire. J'ai pas osé lui dire, pour une astronome, elle pas fait beaucoup décoller. Alors moi, je suis parti en soirée pour me changer les idées. J'ai toujours le même problème en soirée. Il y en a toujours un pour me faire, t'es humoriste. C'est génial, ça. Vas-y, fais-moi un sketch. Non, c'est pas drôle, là. Tu fais quoi, toi, dans la vie? CRS. C'est génial, ça, vas-y, fais-moi une bavure. Rigole pas, le mec, il a pas compris, il a commencé à baver. J'ai le même problème aussi en soirée, mon meilleur ami me présente tout le temps la plus jolie fille de la soirée en disant, oh là là, tu vas voir, je vais te présenter un humoriste professionnel, tu vas voir, il est trop beau, il est bientôt célèbre, il est super gentil, et surtout, il est drôle. Oh, la pression. T'arrives devant la fille, salut. Alors, c'est un humoriste professionnel que je vais trop adorer qui va me faire kiffer. Mais vas-y, fais-moi rire. Pourquoi les souris ni Non, tu savais que si Jean Moulin avait été schizophrène, on l'aurait appelé Jean Moule 2. On la met dans sa doggy bag, celle-là aussi. Non, c'est vrai que on n'est pas toujours bien récompensé au début, parce que Nana, elle est tout de suite retournée vers mon pote en disant, mais il est même pas célèbre. Mais quand est-ce que tu sais que tu es célèbre? Moi, personnellement, je me considérerais célèbre le jour où je pourrais écrire Tom Trondel sur mon ordinateur sans que Microsoft Word le souligne en rouge. C'est vrai, je pensais à ça hier soir, parce que bon, hier soir j'étais au lit avec une grippe. Et je me souvenais qu'après mon spectacle, il y a pas longtemps, une nana est venue me voir, elle m'a dit « Ton spectacle c'est pas mal, hein, mais c'est du Gad Elmaleh en 2 fois moins bien. » Bah ouais, mais c'est 4 fois moins cher, t'es gagnante. Les gens ils te catégorisent, tu vois un mec qui court dans la rue, tu vas pas lui dire « Waouh, tu cours, tu fais comme Usain Bolt !» L'homme le plus rapide de l'histoire, hein. Quand tu penses qu'à la base c'était un tout petit spermatozoïde comme ça, c'est d'ailleurs cette époque qu'il a gagné sa première course dans le stade embryonnaire. Et il était déjà tellement rapide, quand les autres spermatozoïdes sont arrivés à l'ovule, il y avait 3 mois de grossesse. Alors bien sûr, pour l'instant, je suis pas célèbre, mais bon, je tourne déjà pas mal, j'en suis bien content, et mes blagues marchent, je le sais. D'ailleurs, il y a hier soir dans le théâtre, il y avait une nana enceinte au premier rang, j'entendais le bébé rire. Non, je te jure, au moment des saluts, le ventre il faisait comme ça. Et moi, tout de suite, je me suis dit, a-t-il payé sa place ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Alors là, c'est un extrait du One Man de Tom Trondel, qu'on retrouve à Paris, Maurice l'a dit, et puis aussi dans, donc un peu partout en province, un peu partout, plein de dates. Voilà, en France, un peu en Suisse. Belgique aussi, non ? Belgique, peut-être, l'année prochaine. Là, je viens d'aller jouer à Lille une fois, et pas très très loin, et j'y retourne normalement l'an prochain pendant tout un mois. Oh, ben Lille, c'est pas la Belgique, monsieur Van de Pé. Non, c'est pas loin. Ben, tiens. Moi, je n'ai rien à déclarer. Oh, que c'est bonne, celle-là aussi. Quelle est bonne. Quelle est bonne. Et alors, Maurice ? Oui, alors, vous pourrez applaudir Tom Trondel à Paris, au Café Théâtre Populaire, 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement. Mais le nom complet du Café Théâtre, c'est quoi ? On lui a pas donné, alors, attends. Ah ouais. Café. J'aime bien. C'est dommage, chers éditeurs, vous voyez pas les yeux de Maurice, on dirait une biche prise dans des phares. Hein ? Mais quoi ? Mais tu m'as pas dit ? Oui. C'est le Café Théâtre Populaire du Renitas. Du Renitas, voilà. Tenu par Ricardo, qui est un mec adorable. Et oh, plein, tenu plein de spectacles par Ricardo. Qui est un mec adorable. Ça, je sais pas encore. Alors. Celle-là aussi, elle date de 85. Comme le avant Jésus-Christ. Donc, j'ai un petit la main passe à vous proposer. Je vous donne des informations sur, pour trouver un personnage. Ah! 10 secondes à chaque fois. Je propose de commencer par l'équipe des frisés, oui, hein, puisque c'est toujours plus difficile. Oui. 10 secondes, si vous avez une idée, vous donnez le nom de la personne, c'est une personnalité à trouver. Si vous n'avez pas d'idée, la main passe. C'est une personne vivante ? Oui. Voici les premières infos. Top. Je suis né le 16 août 45 à Créteil. Issu d'une famille modeste, originaire de Salins, près de Mauriac dans le Cantal, mes parents tenaient une confiserie ambulante sur les marchés. Sheila. C'est une bonne réponse. Mais comment t'as su ça ? Bravo Frédéric Coster. Oh bah, née en 45, donc elle a 83 ans. Non. Mais non, bah, des célébrités dont les parents tenaient une confiserie, il n'y en a pas ambulante sur les marchés. Une confiserie ambulante sur les marchés, il n'y en a pas. Carlos, non ? Oui. Non, elle était pédopsychiatre, sa mère. Ah oui. Bon, bah, alors, puisque c'est ça, vous méritez amplement une petite tournée de blagues rapide et efficace. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Maurice. Alors, c'est deux amis qui discutent. Votre grand-père a-t-il gardé sa raison jusqu'à la fin ? J'en sais rien. On n'ouvre que son testament que demain matin. Merci, Maurice. Très drôle. Très drôle. Alors, Bob du Club avec un petit sponsor éventuellement. Pépé, si tu m'entends là-haut, ça a été pour toi. Il a tout appris à Nefertiti. Tout en Camon lui doit tout. Voici la blague préhistorique de Bob. Ah oui, c'est très drôle aussi. C'est une petite fille qui vient d'avoir ses règles pour la première fois. Alors elle court voir sa maman en pleurant. « Maman, maman, je saigne !» Sa mère, qui est très occupée, lui dit « Oui, c'est rien, monte dans ta chambre, je viens te voir dans 5 minutes. » La petite fille monte l'escalier en pleurant et croise son petit frère. Ben alors, pourquoi tu pleures ? Je saigne, et maman a dit que c'est pas grave. Montre où tu saignes. Alors la petite fille lève sa robe et son petit frère. Oh là là, t'es folle, maman, d'avoir dit que c'était pas grave. C'est super grave ce qui t'arrive. Tu t'es arraché les couilles. Elle est mignonne. Hey, dis-moi, toi qui es catholique, là, dis-moi un peu. Dans ta Bible, là, ton bouquin, là, oui, dis-moi, oui. Qu'est-ce qu'il n'y a pas des conneries d'écrit du style que si on fume, on n'ira pas au paradis ? Bah, tiens. Si, mais plus tu fumes, plus tu iras rapidement. Une blague de Tom Trondel. Alors, on opte pour la version courte avec le retour de la petite fille ou une Ah, bah vas-y. GG est pas là. Il en faut bien. Alors c'est une petite fille qui sort de l'école, la même que tout à l'heure sans doute, et il y a un pédophile dans la rue qui la guette, qui marche derrière tranquillement, et dans une petite rue sombre, hop, il la prend contre un mur, il la viole. Quelle horreur. Bah, on n'a pas encore mangé. Et ensuite il lui dit, bon bah maintenant tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Mais il y a un méchant monsieur, il m'a suivi dans la rue, il m'a attrapé dans la rue, il m'a violé deux fois. Mais je t'ai violé qu'une seule fois. Mais vous avez bien 5 minutes. Bon, eh bien, si vous avez 5 minutes, je vous propose, juste après cette courte pause, de retrouver le jeu de la photo mystère. Je sais pas, tu l'avais fait quand tu étais venu l'année dernière. Non, tu l'avais pas eu. Je ne crois pas. Non, non. Ah non, tu t'en souviendrais. Oui. Non, donc, la photo mystère de Maurice, c'est juste après la pause. Restez avec nous, on revient avec Tom Trondel. Retour, on va se marrer avec Tom Trondel. Ouais. Maintenant, on peut le faire. Alors, Tom, nous avons une épreuve dans l'émission. Aïe, aïe, aïe. Oui. Qui s'appelle le jeu de la photo mystère. Aïe, aïe, aïe. Bien que nous ne soyons pas à la télévision, c'est un jeu radiophonique qui s'appelle la photo mystère. Nous confions chaque semaine à Maurice une photo mystère. Rassure-moi, confions en un seul mot. Oui. Oui. Confions, alors, oui, c'est bien. Mots. Nous c'est confions bien. Donc cette Pourquoi photo. Tu vas par là, t'es voilà. tout seul. Non, mais laisse. D'habitude, il y a du monde. Là, je comprends, mais là, t'es tout seul. Non, mais Maurice, Bob, laisse faire Maurice, ça va le contrarier. Ah oui, ça lui plaît bien. Donc, il a une photo mystère. Je tire sur le fil. Voilà. Dont il n'a absolument pas le droit de prononcer le nom ni le prénom. ni... Donc, il n'a pas le droit de dire photo mystère. Voilà, voilà, exactement. Et il a un mot interdit qu'il faudra deviner par la suite. But du jeu étant de vous faire découvrir cette photo mystère en vous donnant des informations précieuses et précises précises voilà, en même et de temps. Description de voilà. Ça donc je Maurice par là, elle est là par la bouche avec la bouche. Ah. Je prouve, et donc Maurice donne voilà, donc elle est là, elle est entourée. C'est sur le voilà, alors ne la fais pas voir s'il te plaît, oui, là je la vois d'ici moi. Mais nous ne sommes pas dans le même axe. Attention pour les 10 premières secondes pour Bob, donc ton équipier, 10 tu dis quand tu veux, top. Allez, top, on y va. Alors, c'est un végétal qui est vert, ça pousse en plein air, bien sûr, et ça se mange. Bob, c'est précis. Pour l'instant, oui. C'est précis. Une carotte. C'est vert, Italie. Bah oui, c'est vert. Ah, le haut quand, est vert. Quand tu les vois dans la nature, c'est vert, une carotte. Ah, mais oui. Ça se mange. Ben ça se mange pas les carottes. Non, c'est... Maurice il les mange pas lui. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut autre chose avec. Oui. C'est pas un concombre. Hein. On l'a déjà eu ça. Attention, alors 10 secondes supplémentaires pour l'équipe des frisés. Top. Oui, on attend le top. Ah, le top. Top. C'est parti. Alors c'est un végétal, ça se mange et on se sert en assaisonnement. Et ah ben non, c'est pour nous, alors il va pas donner d'indice. On sent qu'il est dans notre équipe, dis-le. Hein. Ah non, il vous a donné des infos quand même. Là. Ah oui, alors, c'est assaisonné. C'est vert et ça peut être assaisonné. Non, oui. Ça se mange en assaisonnement. Ça fait partie des 5 fruits et légumes par jour. Ah là, il peut pas vous répondre. Hein. Après, qu'est-ce qui peut être vert et en assaisonnement? Je vais lui proposer quelque chose. Du persil. Oui, du persil. Non. Ah, il là. A bien dit, ça sert. Montre-nous bien, montre-nous bien, Maurice, hein, parce que Maurice, là, t'as pas bien tourné. Voilà. Maurice, tu as bien dit, ça sert d'assaisonnement. Oui. Et ben, non, il a dit. Et ça ben, il a le droit de dire. Ah bah attends, c'est une question que je pose. Ah bah il peut dire ce que j'ai mal compris. Alors, le persil, ça se mange. Gennaro, il a dit, ça se mange en assaisonnement. Non. Ça sert d'assaisonnement. Non, c'est pas ce que t'as dit. Ah si, je crois que c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu aussi, moi. C'est ce que j'ai entendu. Ouais, moi c'est ce que j'ai entendu. C'est pas ce qu'il a dit. Si. Bon, c'est pas grave. La main passe pour Bob. Alors, bon, ça sert à... T'as pas dit top. Top. C'est très aromatisé. Nous le trouvons très souvent dans des salades. Ah. Bob. Oh bah oui, échalote. C'est vert l'échalote. C'est pas vert une échalote. Ah bah si, les fans sont vertes. Mais non. Il m'a pas dit encore. Il m'a pas dit ce qu'on mangeait si c'était dans la terre ou dehors. Ah. Il m'a pas dit ça, donc je peux pas le deviner. Mais tu pinailles. Ah, oui, voilà. Il l'a pas dit. Hein. Et voilà une échalote. Non mais attends. Une échalote pour moi. C'est pas ça vert. Sert d'assaisonnement. Mais c'est pas vert. C'est pas vert. Si, les fans sont vertes. Non. Où la plante est verte. Où sont c'est les fans? C'est la racine qu'on mange. Alors, la main passe. Pour Tom et Fred. Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Oui, mais je réfléchis. Est-ce que tu es prêt pour le chrono? Oui. Top. Bon. Alors, on peut le trouver. Top. Top. On peut le trouver chez les commerçants du marché bio. Ah. Heureusement que ça aide. Que ça aide. Hein, Non, sur la ligne. Merci pour cet indice précieux, Maurice. Tu as utilisé toutes tes 10 secondes, nous t'en remercions beaucoup, dans un souci d'impartialité. Bon, alors, c'est pas le persil, qu'est-ce que c'est? Le thym. Ah. Du thym. Non. Ah. La main repasse pour Bob. Ah, du thym. Tu vas peut-être me dire où ça pousse, dans le nord, dans le sud. Ah, ouais. Ah. Peut-être mais je t'as le sais pas. T'as ouais. Déjà, tu sais que c'est à l'extérieur. Ah, hein, et maintenant, je le sais. Et pose-lui aussi les questions directement, qui te donne les indices. Dis-lui qui te donne la réponse, ça ira plus vite. Ça serait et n'oublie pas le top. N'oublie pas le top, Maurice. Alors, top, ça pousse dans les jardins, bien sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans les jardins extérieurs, bien sûr. Ah, bah, ah bah oui. Non, mais c'est pas c'est possible. Dommage. J'ai demandé. Mais... J'ai bien. Pourtant, j'ai tendu la perche. Si ça pousse dans le nord, dans le sud. Mais tu vois, ça pousse partout. C'est hein, dommage. Façon. Tu l'as pas dit. C'est dommage, chers auditeurs. Mais tu me le dis pas. Bon, je vais quand même dire la ciboulette. Ah. C'est dommage, chers auditeurs. Non, ce n'est n'ayez... pas ça. C'est dommage, chers auditeurs, vous n'avez pas vu la tête de Bob. Ah oui, oui. Je suis effondré. Non, alors là. Là, des informations, écoutez bien. Capital. À l'impossible, nul n'est tenu. Vas-y. Allez, tu dis top. Ne fais pas voir la photo. Dis top et lance-toi. Dis top et lance-toi. L'idée vient en... Ça sert d'assaisonnement. En mangeant. Alors. Allez. Alors. Elle est top. Donne des détails physiques de la plante. Top. Ah. C'est une plante frisée. Ah oui, je continue, vas-y. C'est un poil pubien, je sais pas. Oui, non, qui est verte aussi, je vous le rappelle. On a avancé, hein. Ah là là, on a avancé. Vous avez déjà dit le persil. Oui, on a dit le persil. Ah oui, mais ça, ça aurait pu être du persil parce que c'est frisé le persil. C'est du lierre, c'est pas en assaisonnement. Et du frisé, oui. Alors, c'est alors frisé. Qu'est-ce que vous avez comme frisé à vous, à proposer à Maurice? Qu'est-ce qu'on a? Le bonhomme de CTLM, je sais pas. Oui, mais non, lui faut l'assaisonner. C'est lui qui t'assaisonne. Ah oui, oui, oui. Là, là. Qu'est-ce qu'on fait? Et on le trouverait. Attends, pour Bob. Moi, je suis très très mauvais en assaisonnement. Attends, faudrait que vous proposiez quelque chose. Ah oui, parce que. L'origan. Non, c'est pas ça. Oh là là. Mais il tourne autour, hein. Ah oui, oui. Non, sans blague. Alors, là, je crois que t'as un truc sévère, intéressant pour Bob. Ah. Il a rien à me dire d'intéressant. Si. Il sait pas ce qu'il veut me dire, là. Si. Mais je te disais, dans la description, fais une description plus précise. Oui, de la plante. Mais oui. Il y a des fleurs, il n'y a pas de fleurs. Voilà, fais une description bien précise. Elle est belle, elle est musclée. Ça sent bon, ça sent pas bon. Ah, j'ai dit que c'était top. J'ai dit que c'était top. Top. Hein, je te l'ai dit, là. Oui. C'est une plante très aromatisée. Ça, je sais. Qui n'a pas de fleurs. Toutes les plantes ont des fleurs, Maurice. Non. Ah si. Ah non. Toutes les plantes ont des fleurs. Ah non, là sur la photo qu'il a, il y en a pas. Ah oui. Et dans ce cas-là, pourquoi poser la question, est-ce qu'elles en ont ou pas, si tu penses que toutes les plantes ont des fleurs? Je pense c'est pas bête. Je pense à Ducrot. Mais est-ce que c'est vraiment une plante? C'est-à-dire mais que il lui, est pas mort. Contrairement à Maurice, il se décarcasse. Oui. Je sais pas. Attends. Ah si. Comment ça s'appelle? Le thym. C'est pas le thym. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La ciboulette, c'est pas la ciboulette. Comment ça s'appelle ça? Ah, le cerfeuil. Oui. Oh là là là là. Alors là, j'en reviens pas. Je n'aurais jamais. Mais le cerfeuil, ça se met pas en assaisonnement. Si. On met ça dans le vinaigre. Mais je en trempette aussi à l'apéritif, non? Ah, oui, aussi, ouais. Non, moi je confonds avec le fenouil. Et t'es sûr? T'es sûr que ça pousse en extérieur? Oui. Oui. Alors, quel est le mot interdit, Bob? Ah! Alors déjà, là, attends, je marque le point déjà. Il y a un point de marqué là. Maintenant, il faut trouver le mot interdit. Condiment? Non. Alors, le mot interdit, quand même, c'est pas forcément un mot qui a un rapport direct avec... Avec le cerfeuil. Voilà, mais ça peut être un mot qui fait penser... Et ce qui fait partie du panier. Voilà. Camion? Du panier. C'est pas un mot qui a un rapport, tu dis. Chevreuil. Ah, oui. Je comprends pas. Bah, il va te le dire, son mot interdit. Alors, le mot interdit, c'est céleri. Ah. Parce que c'est de la famille du céleri, le cerfeuil. Oui, peut-être. Voilà, oui. C'est pour ça. Mais bon, ouais. Hey, Bob, c'est quand même bien joué. Ouais, Maurice aussi, parce que un point de marqué grâce à la photo mystère. Et on applaudit quand même. Ah oui, voilà. C'est dans un panier, c'est pour ça qu'il a parlé du panier. Mais avec la photo qui est dans le panier, c'est pas facile. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais on va te donner la photo. On va te donner la photo. Ouais. Dans quelques instants, nous allons revenir... Nous allons revenir. C'est pas du cerfeuil. C'est quoi? Non, c'est des céleri. Si, c'en est. Non, c'est pas du céleri, c'est du cerfeuil. Donc, dans quelques instants, on revient avec Tom Trondel et une surprise de Maurice. Ah, à tout de suite. Voilà. Alors, c'est une surprise pour Maurice. Retourne, on va se marrer avec Tom Trondel. Ouais. Quelle soirée. Oh là là là là. Et Tom est un habitué de l'émission. Il avait déjà assisté à des blagues de Maurice. Et il revient comme quoi. C'est la deuxième fois que je viens, donc je suis un habitué. Pas rancunier. Non. Alors, cher Tom, tout à l'heure, tu as eu une première session de roulette russe. Oui. Je propose une deuxième session quand même. C'est de la triche. Pourquoi ? La première balle ne t'a pas atteint, donc on va tenter. Moi, je propose une session. Je propose de céder Maurice. Alors, clocher, Maya, zébu, zèbre. Citron, perchiste, perchiste. Je me souviens des mots. Perchiste. Souris, merlin ou dentiste. Je vais prendre perchiste. Ah, perchiste. Ah tiens. Alors la blague du perchiste. C'était une blague de Monique Dauban, si vous en rappelez. Oui. Ah, qui m'avait écrit à radio.ovsm@gmail.com. Ah oui, parce que tu as donc des blagues par internet. Exactement. Ben oui, hein. Et Monique m'avait envoyé deux perchistes parlent l'un à l'autre. Non. Ah non, deux perchistes parlent l'un dit à l'autre. Bon, tu vas te faire engueuler parce que tu fais encore pas la ponctuation. Moi je dis plus rien, qu'est-ce que je dis? Non mais il m'a pas écouté, je recommence. Allez, mais à ce stade-là, faut plus dire, faut taper là. Alors une blague de Monique, on s'en fout. Monique, si tu nous écoutes. Oui. Deux perchistes parlent l'un dit à l'autre. Tu te fous de ma gueule, moi. C'est deux perchistes parlent. Deux perchistes parlent. Point. L'un à l'autre. Non, il n'y a pas de point. Sinon, tu l'inventes. Tu sais quoi, Maurice? Non, il n'y a pas de point. Maurice, on va simplifier. Un perchiste dit à un autre perchiste. Ah, voilà. Heureusement. Heureusement que tu es un professionnel du spectacle, Maurice. Oui. Exactement. Pour te mettre en scène. Je voulais pas faire cette émission, moi, au départ. On m'a forcé. Un perchiste dit à l'autre perchiste. Alors, oui, laissez-le faire. Alors, vas-y, Maurice. Un perchiste dit à l'autre perchiste. Yeah, tu savais pas qu'il y avait du gaz de perchiste? Oui. Bon, je recommence. Attention, concentration. Vas-y, bois un coup. Allez, hop, gargarisme. Vas-y, Maurice. Un perchiste dit à l'autre perchiste: t'es sûr que tu peux sauter tout ça? Point. Attends, c'est pas la chute, attends. L'autre répond: ah, je perchiste et je signe. Oh! Bravo, Maurice. Ah non, elle est bien. Hein. Alors, une petite partie de multi-quiz. Ah oui. Là, je vous propose des sujets. Mm-hmm. C'était vous qui choisissez le sujet. Je vous pose donc des questions. Et en une minute, il faut répondre au plus grand nombre de questions. Et c'est l'équipe qui aura répondu au plus grand nombre de questions qui marquera le point final. Oui. Donc, Bob... Ah, vous êtes à égalité pour l'instant. C'est dingue. C'est pas vrai. Ah, si. Alors donc, je fais honneur à l'invité. Oui. Et je vous propose un questionnaire sur les proverbes, un questionnaire sur la musique française, sur les monuments du monde, ou sur monde les monuments du monde, ou sur les plantes. Cerfeuille. Ah, faut pas ta merde, hein, Maurice. Tu peux nous redire les choix, s'il te plaît. Donc proverbe, musique française, monument du monde ou plante. Musique française. Non. Musique française. Ah, ouais, musique française. Alors, si tu me parles de Boulez. Musique française. Il faut le chronomètre pour une minute. Jean Ferrat. La Quel... montagne. La montagne est belle. Oui, c'est correct. Hugo Céline. Hugo Frey, Céline. Ouais. Instrumental. Pas du tout. Une chanson de Jean-Jacques Goldman. Mmh. Puisque tu pars. Ouais. Vous croyez ? Oui. Vous avez raison. Oui. La solitude, c'est une très belle chanson. Les paroles ont été écrites par qui ? Prévert, Delanoé ou Moustaki ? Moustaki ? Tous les deux face à face. Oui. C'est lui qui chante. Ziggy Starmania. Oui. Estrade gagnant. Oui. Alors, quel titre de cette chanson ? Les vieux mariés. Les vieux mariés. Les vieux mariés, oui. Ah, ah, très bien. Bon, ben, c'est parfait. J'ai compris, oui. Ben, on peut arrêter Christophe Willem. Donc, à l'issue de cette c'est série. C'est bien ce jeu. Oui, oui. Ben, pour l'instant, oui. Pour vous. C'est très drôle. Non, heureusement que c'est pas Bob qui l'a choisi. Moi, j'en connais aucune, donc comme ça, c'est bien. Bob, il va nous faire les plantes. 3 et 3, 6, ça fait... Il y a eu 7 bonnes réponses. C'est dingue. C'est quand même extraordinaire. Sur cette chanson, c'est pas mal. C'est quand même extraordinaire, Bob. 7 bonnes réponses. Donc, avec Maurice... On va essayer de trouver 7 plantes. Je vous propose... donc, pareil, les proverbes, les monuments du monde, les plantes et les comédies musicales. Pour moi, les plantes ou les monuments du monde, tu préfères quoi ? Ce que tu veux. Dans ton micro, Bob. Oui. Allez, on va prendre les plantes. Allez. Alors, les plantes, une minute de chronomètre, c'est parti. Le daikon, D-A-I-K-O-N, est une variété asiatique. On passe. C'était du radis. Ah, oui, ah bah oui. Si tout est comme ça, ça va être canon. Le radis est une plante potagère trisannuelle. Annuel ou biannuel ? Je crois qu'il peut être biannuel. C'est correct. Dans le langage des fleurs et des plantes, le « ou » est le symbole de la méchanceté, de la cruauté ou de l'insensibilité. Insensibilité. C'est correct. Une fougère qui s'appelle le scolopendre est aussi appelée langue de serre, herbe à rate ou les deux. Moi, je dirais les deux. Le scolopendre. Les deux. Les deux, oui, c'est correct. C'est bon. Le tapioca est obtenu à partir de la racine de l'igmal. Du manioc. De ? Oui, manioc. Du manioc, oui, c'est correct. En Espagne, tu sais. De quelle variété de cacaoyer ? Cacaoyer. Ah bon, bah, j'ai même pas eu le temps de poser la dernière. Elle était bien pourtant. Le cacaoyer. Cacaoyer, oui. Mais c'est faudrait la faire poser. Manioc, donc c'est une, Manioc, c'est une ville au large de l'Espagne. Voilà, dans c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, pour Bob, oui. Et on en fait de la purée. Où il y a David Ignieta, d'ailleurs, qui bosse pas mal là-bas. Juste donc, à l'issue de cette double partie, 7 bonnes réponses pour l'équipe des Frisés. On dit c'est pas bien. À l'issue, on dit Mademoiselle Alice transpire. 4 pour les copains d'avant. Donc, le point va aux Frisés. Ouais. Bon, j'en suis désolé, mais on l'a. Oui. Donc, juste après cette courte pause, c'est à nouveau Tom Trondel qui va nous faire un petit extrait, un deuxième petit extrait, Tom. Eh ben, écoute, oui. Voilà. Tom Trondel était au courant, donc après la pause, mesdames et messieurs. Eh bien voilà. Alors Maurice, après la pause, qu'est-ce qu'on a ? Tom Trondel dans son nouveau zestrait. Dans... Tom dans Trondel dans son nouveau spectacle, je deviens viril. Le zestrait. Voilà, un petit extrait de Tom Trondel après la pause, Maurice. C'est Tom Trondel. On va voir Tom Trondel après la pause. Bon, dans... allez, oui, bon, alors, on va aller envoyer la pause. Et nous allons faire un zeste, nous citerons Maurice. Oh, retour d'On va se marrer avec Tom Trondel. Ah ouais. Tom Trondel, actuellement à Paris, Maurice. Au Café Théâtre Populaire, 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement. Et pour y aller, vous descendez aux stations de métro Couronne, Pyrénées ou Ménilmontant. Bon, alors si vous voulez vous marrer et aller voir Tom Trondel, voici un petit bout du spectacle, un petit extrait. Tom Trondel pour vous dans On va se marrer. Oui. Quel accueil. C'est très très gentil. Alors, au niveau des origines, je vous ai pas précisé tout à l'heure, mais bon, quand on nous a appelé les frisés, c'était pas pour rien, puisque je viens du pays du soleil, la Bretagne. Et j'ai aussi des origines de LA, Loire-Atlantique. Et pour revenir à la Bretagne, il y a pas longtemps, j'étais d'ailleurs en Bretagne, et là j'ai vu un bar à hôtesse, un bar de marin, avec une prostituée devant, une prostituée bretonne. Mini-jupe en graoué, preuve de bigounaine échancrée, débardeur en filet de pêche, bon. Alors moi, je ne suis jamais rentré dans ce genre d'établissement, mais j'imagine le mec qui rentre pour la première fois dans un bar à hôtesse. Tu sais. Bonjour, voilà, c'est la première fois que je rentre ici, je voudrais un peu savoir comment ça se passe. Oui, bien sûr, je vous offre un verre, oui. Merci. Combien? Ah non, c'est pas cher, non? Non, c'est juste qu'à ce prix-là, en grande surface, j'aurais pu avoir un carton de 6 bouteilles. Ouais, on n'est pas en grande surface. Remarquez, votre collègue, là, c'est quand même une grande surface, hein, a priori. A posteriori aussi. Elle me rappelle une copine avec des potes, on l'a surnommée Monospace. Non, parce qu'une fois, on était rentré à 8 dedans. Oh. Allez, Chine. Oh, bah, il est bon champagne, hein, il vaut son prix. Tu connais quelque chose qui est encore plus bon? Faut voir. C'est combien? 50 euros pour te suivre dans le salon privé? Oh bah oui, attends, je te suis. Alors là, nous descendons donc dans le salon privé, et puis arrivé là... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu me fais un strip, je te déshabille? Je donne 50 euros pour que tu te déshabilles. Je me disais bien qu'il y avait un truc aussi. Non, parce que je me disais t'es pas Maurice. Et puis et puis les soldes c'était il y a 2 mois maintenant. Je dis pas ça pour toi, t'es super bonne. Belle comme le jour. Belle comme l'amour. Oui, justement, oui. Alors je redonne 50 euros et la nana enlève sa djellaba. Et comment tu t'appelles au fait? Ah bah j'en sais rien. Eh ben on va t'appeler Colette. Tu es très belle toute nue, Colette. Je savoure parce que c'est pas tous les jours que je peux dire ça à une Colette. Hein. Ah si, j'en connais d'autres, c'est pas le problème, c'est juste qu'elles ont plus l'âge d'être belles toute nue. Voilà, on peut dire c'est un fantasme. Voilà, je vais te la coller, Colette. Maurice, cadeau. D'ailleurs, comment est-ce qu'on s'y met? Tu me déshabilles? 50 euros? C'est la crise, je me déshabille tout seul. Pas mal, hein? Ouais, je suis le 8e de la journée, ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Un petit massage jusqu'au plaisir. Oui. Combien? 80 euros. Pour combien de temps? Le temps qu'il faudra. Ah ouais, parce que niveau massage, pour 80 euros, mon kiné me garde une heure. Hein. Et c'est sûr, avec lui, je vais pas jusqu'au plaisir. Hein. Non, parce qu'il est moustachu. Comme Maurice. Bah, j'aime pas les moustaches. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu te voir, toi, et pas ta collègue. Comment elle s'appelle? Gonzalech? Non, mais son prénom. C'est son prénom. Eh ben ok, 80 euros, jusqu'au plaisir, le massage. Alors, si tu peux commencer par les cervicales, parce que j'ai une petite douleur depuis midi. Ah ouais, en fait, massage, c'est toi qui te masses. Et moi, je me masse aussi, d'accord. Je me masse au même endroit que toi. C'est-à-dire, je préférais que ça soit toi qui le fasse quand même. Hein. C'est plus cher. Tu veux dire que là, j'ai payé 80 euros juste pour te voir te caresser? Oh, je vais ouvrir mon propre salon, moi. 30 euros pour me voir passer la main dans les cheveux. Attends, mettons-nous d'accord. C'est combien en plus pour que tu me fasses tout ce que je veux et que je te fasse tout ce que je veux? 500 euros en plus? Punaise, même ma femme elle prend pas si cher. Hein. Ouais, je suis marié, mais là elle est en voyage alors je suis en manque. Bah elle est partie pour le week-end. Ok, bah écoute, ok, je paye comme ça, après on est tranquille. J'ai plus de liquide, enfin dans le porte-monnaie. Je peux payer par carte tout à l'heure ? Tout de suite au bar ? Oui, ça sera fait comme ça. Ok, je te ramène le ticket. Mon ticket de carte bleue contre ton ticket de métro ? Oui, c'est vrai que tu t'es pas fait le maillot. D'ailleurs, si pendant que je paye, tu peux mettre quelques coups de tailleuet dans la jungle. Ah non, mais moi j'ai des capotes, pas des cuissardes. Hein. Ok, à tout de suite. S'il vous plaît, il faut que je paye 500 euros pour avoir le service complet avec Colette. La brune. Celle qu'elle est grosse, hein. Celle qui a la Camargue en 3D. Voilà, par carte, s'il vous plaît. Introduire carte, c'est bien que la carte que j'ai pu introduire pour l'instant. Là, quand tu payes avec ta carte bleue, je sais pas si t'as remarqué, tu as un réflexe. Tu introduis la carte, tu tapes ton code confidentiel, il y a code bon qui apparaît, et quand il y a code bon qui apparaît, tu souris. Hey, code bon, je suis débité. Moins 500 euros. Voilà, que j'oublie pas le ticket. Alors je retourne voir ma chère et tendre. Voilà. Bon, on est d'accord, maintenant j'ai droit à tout. Allez hop, les cervicales. C'est vrai, c'est des choses... C'est du vécu. Ah oui, totalement, totalement. Ouais. Non, mais c'est des questions... moi, je suis jamais rentré dans un bar à hôtesse, donc je me demande comment ça se passe. À part pour écrire le sketch. Non, mais c'est des questions que tu te poses. Par exemple, allez, un petit bonus, une question que je me suis posée ce matin. Au Maroc, le compte des trois petits cochons, est-ce que c'est halal ? Ah ! C'est une bonne question. J'adore les contes du Moyen-Orient. Par exemple, les contes des mille et une nuits. Oui. C'est super. Bon, il y a quand même le méchant vizir, le méchant sultan. En France, on est direct passé au conte des mille louis, tu vois. Ah oui. Oui. Et une autre petite question que je me posais l'autre jour et je finirai là-dessus. Si je couche ce soir avec une nana schizophrène, oui. Est-ce que c'est un plan à trois? Je vous demandais ça pour les statistiques. Bon allez, si vous voulez vous marrer, c'est donc le spectacle de Tom Trondel. Toute l'actu et toutes les dates du spectacle, Maurice. Alors, Internet. Sur internet, www.trondel.fr. Tout simplement. Ou sur Facebook, Tom Trondel. Ah, il faut le demander comme... Est-ce que tu l'as comme ami sur Bien Facebook ? Bien sûr. Oh là là, il me poke tous les jours. Et je suis pas le seul. C'est vrai. Vous pouvez me retrouver, Trondel, c'est un nom assez facile. T-R-O-N-D-E-L, je suis le seul, c'est mon vrai pseudo. Bon, alors, quand même un petit plaisir pour qu'on t'offre quand même une petite chose. C'est-à-dire parce qu'après ce qu'il vient de raconter, faut se vérifier quand même le vocabulaire. Tout à l'heure, t'avais l'air de bien aimer, parce que t'as fait référence à elle, à la blague des souris de Maurice. Oui. Pour nos invités qui connaissent pas la blague, fais-leur la blague des souris, la blague de Serge. Pourquoi les souris font ni-ni-ni? Mais putain, c'est pas vrai, Maurice. Qui font les souris? Elles font rien. Mais elles font rien. Non, pourquoi les souris ni ni ni? Non, il y en a un trop. Il y en a un trop. Bah oui. Il me regarde avec son air de ravi de la crèche. Bah oui, tu la racontes mal. Qu'est-ce que tu te dises? Regarde les invités. On t'a déjà expliqué. Ça me trouble. Oh, bah alors Maurice. Je pensais qu'il t'en fallait plus. Pourquoi les souris ni ni ni? Parce que les rats. Maurice, lisque barqué, mon pote. Pourquoi les souris ni ni ni? Non, il n'y a que deux ni ni. Je te dis, s'ils veulent faire passer la loi pour l'euthanasie, tu l'emmènes au Parlement, elle passe tout de suite. Ah, ils votent tous à l'unanimité. Pourquoi les souris ni ni? Oui. Pourquoi les souris ni ni? Bah, voilà. Alors pose la question. Alors demande à Gouano. Pourquoi les souris ni ni? Parce que les rats gagnent. C'était qu'un tour l'invité qu'on entendait derrière. Dans quelques instants, Frédéric Koster, ici présent, va nous le sortir. Ah, bah comme d'habitude. Je le sors en fin d'émission. C'est la petite surprise de fin d'émission. C'est son petit quiz. Ah oui. Non. Ah oui, c'est le petit quiz. Je sors mon petit quiz en fin d'émission. Donc il faut bien se chauffer pour le petit quiz de Fred. Le texte n'était pas proportionnel. Juste après la pause. Restez avec nous et avec Tom Trondel. Retour, on va se marrer avec Tom Trondel. Alors Tom, chaque semaine, Frédéric ici présent nous amène son petit quiz. Eh bien, j'en suis ravi. Alors Tom, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton spectacle ? Ah, c'est la première question du quiz, ça, c'est pas trop dur. Donc c'est Trondel sans flamme qui est au théâtre populaire, tient des invitations sur Biréduc. Non, je t'ai juste demandé le titre. C'est Trondel sans flamme. Eh ben donc je vais vous faire un quiz sur le feu, dites-donc. Ah, ah d'accord, la recherche de transition, bravo, bravo. Huit extraits de chansons qui ont un rapport avec le feu, qui parlent de feu. Faut Johnny. Pour trouver les interprètes. Voilà. Ah oui, d'accord. Juste les interprètes. On voit juste les interprètes, il y en a huit. Ah. Il enfin, y en a neuf, mais il y a huit extraits. Précision importante pour Tom, Bob. Le premier extrait. Ah. Le premier extrait. C'est le premier extrait. Maurice. C'est le jingle. Ah, ah oui. Ouais. Le jingle, oui, c'est ça. Le jingle. Bon, vas-y, on voit parce que. Ouais. Ah, c'est ça. Comme le feu qui danse en projetant ses couleurs, qui crépite et fait parler le bois. Libre comme le feu, un instant tu t'offres avec chaleur, et l'autre tu te figes de froid. Sans toi je suis triste. Quel temps faire avant le feu à cette île-là. Oui, je brûle de vivre. C'est une vraie passion qui m'attache à tes bras. Habitants du feu rouge n'ont plus qu'une main qui bouge, pendant que l'autre s'agrippe encore à l'espoir de ne pas faire partie du décor. Alors moi je sens que je ferai parle en feu ici, parle en feu dans cette chaîne de vie, parle en feu. Come on baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Capitaine Flamme. J'aurais pu mettre ça. C'était presque ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est la tête de Bob qui entend le premier extrait. Ah, ça va être facile. Et puis, au fur et à mesure, après, il le reconnaît plus. Voilà. Après, on est au sixième extrait, puis il fait signe à Fred. C'est le troisième. Ça veut dire qu'il allumait le feu. Après, bon, alors, Tom, t'en as reconnu combien? Oula, pas grand chose. J'en ai trois sur peut-être un quatrième. Ah, moi, j'en ai quatre. Trois, Philippe. Presque tous sauf un. Ah, tous. Ah, bah oui, il y en a un qui est concerné. Oui. Là, c'est fort. Hein. Ouais. C'est lequel que t'as pas reconnu? C'est le sixième. Ah ouais. Oui, bah non, mais ça, personne ne peut le reconnaître. J'ai pas reconnu. Le ouais, sixième, j'ai pas tourné. Non. Personne ne peut le reconnaître. Non. Bon, il y en a des faciles. Hein. Oui. Oui. Bon, faciles. Bon, on fait comme Maurice. J'ai les faciles. Oui. On fait comme Maurice. Oui. On les compose. Voilà, on les compose. Et en plus, Maurice, en plus, le numéro 1, il l'a trouvé. Oui, bien sûr. C'est quoi c'est le numéro 1? Le jingle! Bravo, Bob! Allez. Bon, priorité à l'invité, hein. Oui. Bon, oui, le premier, ça va. C'est ça, hein, le jingle. Oui. Il faut que je le retienne pour la semaine prochaine. Donc, bien sûr, on a Johnny Hallyday. Ah. Ça, c'est bien. Tu l'avais aussi, Bob, non? Oui, je l'avais. T'as regardé son émission à TF1 ou pas? Non. À toi non plus? Non. Comme le feu qui danse en projetant ses couleurs, qui Alors là, non, je ne l'avais pas. Ah, je connais, mais... C'est Charles. Ah oui. Ah oui. Vous avez ça, Philippe. Oui. Il connaissait la voix, mais... Oui, c'est vrai. Alors celle-là, je l'ai reconnue tout de suite, mais c'est impossible de mettre un nom dessus. On en a parlé dans l'émission. Oui. Et je l'ai mis après. Je pense que Sheila. C'est celle-là. C'est, oui, voilà. C'est Sheila. Voilà. Alors après... Après, là, c'est pour moi, c'est Philippe pour vous. Hein. Il y a le feu sur les plans. Ah oui, celle, tu la connais par cœur. Oui, je la connais bien. Hey, je vous donne un indice. Donne un indice. Oh, idiot. Ah, tu touches. Mais non, c'est Grégory le Marshall. Ah, c'est un garçon. Oui, moi, j'ai entendu une voix de fille. Oui. Oui, moi aussi. Mais Maurice, tu connaissais Grégory le Maréchal? Non, le Marshall, je connaissais. Alors ça, c'est Charlie et Lulu. Ah sûr. Oui. Alors le 5, c'est le 5, ça. Charlie et Lulu. Oui, Charlie et Lulu. Tout l'animateur de l'appel. Charlie et Lulu. Je connais pas. C'est le seul truc qui était de ma génération. Là. Je connais pas ça. Je crois si j'ai été chou, je veux la paix. Super parole. Alors le 6. Son père est un dessinateur et caricaturiste très connu. Je crois qu'il est décédé l'année dernière ou il y a 2 ans. Le chanteur. Gottlieb ? Non. À l'espoir de ne pas faire partie. Non, je ne sais pas qui c'est. Non. J'ai pas reconnu la voix. C'est Mano Solo. Ah oui. Son papa, c'est Cabu. Ah d'accord. Bon, ensuite, c'est pas de ta génération, mais tu l'as trouvé quand même. Gainsbourg, oui. Gainsbourg. La voix. Ah bah dis donc, les 4 que j'ai trouvés, c'était bon. Tu fais un effort considérable. Incroyable. Ah, et celui-là, Bob? Moi, j'ai failli dire pas. Les Chœurs de l'Armée Rouge, mais il chantait en français. Non. Ça, j'avoue, je sais pas. Je connais la chanson, pas, mais... On va le mettre à la porte. C'est pas les Doors? Ben si. Ah, c'est les Doors. Les portes. Eh oui. Oh, ah, oh là, c'est extraordinaire. Oui, oui. Bon, alors, je pense quand même... Eh, dis donc. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et mes acclamations. Ah oui, pardon. Alors, d'abord, les acclamations. Bravo. De Don Saluste. Bravo. Viva Don Saluste. Ah oui, viva alias Frédéric Koster qui a préparé ce petit quiz. Oui, oui. Et on va applaudir quand même notre invité qui en a quand même trouvé quelques-uns, et oui, même bien. Si c'était pas des chanteurs Bravo. De sa génération. Bravo. Alors il est temps de faire les scores, les totaux. Bob et Maurice, les copains d'avant, 2 points marqués dans cette soirée extraordinaire. Escrocs, on n'a pas marqué plus que ça. Non. Oh. Et les frisés. Les frisés. Oui. Frédéric et Tom Trondel, 3 points, ils vous battent. Oh. Alors on va remercier quand même. Quand tu applaudis Maurice, il faut lâcher le micro. Oui. On va remercier chaleureusement. Ça n'était pas le micro. On va remercier chaleureusement. Ah, Maurice m'a remercié chaleureusement déjà tout à l'heure, j'en ai encore la température. Ouais. Oh là là là là. Il a fait là. Thermomètre. Oh. Buccal ou anal? Oh non, mais c'est Philippe. Pas possible. Manifestement, il est allé à Fukushima pour ses dernières vacances, il a fait les deux. Une émission classe. Donc on remercie Tom Trondel. Ouais. On ira donc applaudir Maurice. Alors au Café et Théâtre Populaire, au 36 rue Henri Chevreau dans le 20e. Comme vous l'avez entendu dans toute l'émission, Tom tourne dans toute la France avec son one man et dans la pièce de théâtre. Et il a un site internet www.trondel.fr. Et vous pouvez également me retrouver dans les vidéos pratix.com. Voilà, sur le site pratix.com ou en tapant Trondel sur YouTube. Il y a plein de vidéos de couples. Comment bien dormir à 2-3 positions pour dormir à 2. Comment décoincer son bras. Comment embrasser différemment. Comment être le petit ami, la petite amie idéale. On a déjà fait 5 millions de vues. Donc soyez les prochains. Bravo, voilà. Bravo. Merci Tom, et puis maintenant tu connais l'adresse. Oui. Écoute, je reviendrai l'an prochain avec plaisir voir si Maurice s'est amélioré. Retrouvez l'émission sur internet www.onvasemarrer.com. Oui. Ça c'est pour les anciennes émissions. L'émission de la semaine sur iTunes, évidemment. Et les photos de l'émission sur la page Facebook, le groupe On Va Se Marrer. Okay, voilà. J'ai tout dit. T'as tout dit. Eh bien c'est parfait. Merci de votre patience. À la prochaine fois. Bonne soirée, à bientôt. Que la farce soit avec vous. Production Radio Plus.